Aux États-Unis, les Coréens ont livré le 21 simultanément une manifestation pour la paix contre la guerre dans des villes importantes telles que Washington, New York, Los Angeles et Philadelphie contre la disposition de Saad en Corée du Sud et la démarche américaine de guerre. Aux manifestations tenues dans divers endroits comme devant la Maison-Blanche et le consulat général sud-coréen à Los Angeles, se sont joints également des délégués des formations pour la paix et progressistes des États-Unis.